Chapitre 6e. Le retour du jeune soldat. La pluie tombe sur les doigts crénés de Marchmont Towers par cette journée de juillet, comme si elle avait l'intention de noyer la vieille maison. La vaste étendue de prairies et les quelques bosquets qu'elle contient sont presque invisibles à travers la pluie. Un brouillard grisâtre borne la vue. Cette partie du Lincolnshire marécageuse, sombre et plate d'habitude, semble l'être plus encore aujourd'hui. Les gouttes d'eau ne laissent pas un instant de repos aux feuilles des arbres dans le bois situé derrière Marchmont Towers et forment au pied de chaque tronc une mare qui cache la terre si complètement que les arbres ont l'air de pousser au milieu d'un lac. Derrière Marchmont Towers, le terrain baisse insensiblement jusqu'au bord d'une petite rivière qui parcourt le domaine de Marchmont avec la lenteur d'un serpent, accélère sa marche un peu plus loin et finit par se jeter dans la mer vers le côté nord de Grimsby. Le bois n'est pas en faveur auprès des habitants des Towers. Plusieurs Marchmont ont caressé le projet de le niveler et de l'assainir, mais ce projet n'a pu s'exécuter. Marchmont Towers est réputé comme une habitation malsaine à cause de ce bois, d'où s'exhalent des miasmes en certaines saisons, et c'est pour ce motif que le derrière de la maison, le côté oriental du moins comme on l'appelle, qui fait face au bois, est très peu occupé. Mary Marchmont est assise à une des fenêtres du salon de la façade occidentale. Elle regarde la pluie battante qui n'a pas cessé de toute l'après-midi. Elle est peu changée depuis le jour où Edward Arundel la vit dans Oakley Street. Elle a grandi, évidemment, mais elle est aussi fluette et délicate qu'autrefois. Ce n'est que sur sa figure que le sérieux prématuré de la femme se révèle par une sérénité douce et grave, très belle à contempler. Ses beaux yeux bruns sont pensifs et sa bouche l'est plus encore. On a lu de Jane Grey, de Marie Stuart, de Marie-Antoinette, de Charlotte Corday et d'autres femmes qui ont fini tristement, que dans les moments les plus gais de leur jeunesse, elles portaient sur quelques traits ou dans une expression quelconque de la physionomie l'ombre de leur destinée, et que ceux qui les regardaient avaient le pressentiment vague, impalpable, indescriptible, d'un terrible avenir. En est-il de même pour Mary Marchmont? La main fatale de la destinée a-t-elle marqué de son sceau la figure de cet enfant que, dans la prospérité aussi bien que dans l'adversité, elle soit si complètement différente des autres enfants? Est-elle désignée déjà pour quelque martyr féminin et mise à part pour subir plus que ce lot de souffrances? Elle est assise toute seule dans cet après-midi, car son père est occupé avec son intendant. Richesse ne signifie pas dispense de tout souci, de tout ennui, et M. Marchmont a beaucoup de besogne à achever en compagnie de son intendant, enfant du Yorkshire à tête dure, qui réside à Camberling, et tient à faire honnêtement son devoir. Ses grands yeux bruns se fixaient sur la prairie et contemplaient la pluie. Il y avait un malheureux cavalier qui chevauchait le long de la route carrossière. « Qui peut venir nous voir par un temps pareil ?» se dit Mary. « Ce doit être M. Gormby. » L'intendant se nommait Gormby. Celui-là ne s'inquiète pas de l'humidité, mais il me semblait qu'il était avec papa. En tout cas, j'espère que ce n'est pas un visiteur. Un moment après, Mary eut oublié le cavalier. Elle avait une broderie commencée sur ses genoux. Elle la prit, se mit à l'œuvre et laissa ses pensées s'égarer bien loin de Marchmont Towers. Je crains fort que ce ne fût dans l'Inde, ou du moins dans cette Inde imaginaire, qu'elle s'était créée pour elle à l'aide des renseignements fournis par les mille et une nuits. Elle fut tirée brusquement de sa rêverie par une porte qui s'ouvrit à un bout du salon et par la voix d'un domestique qui prononça un nom dont les trois syllabes lui firent à peu près l'effet de quelque chose comme M. Harmanger. Elle se leva en rougissant un peu pour faire, croyait-elle, les honneurs à une connaissance de son père, et vit entrer lestement un gentleman à belle chevelure, très animé et tout mouillé, qui courut vers elle. « J'ai voulu venir, Miss Marchmont, » dit-il, « j'ai voulu venir malgré la pluie. Tout le monde m'a dit que j'étais fou, et en effet, c'est tout ce que mon pauvre cheval a pu faire que de parcourir les 10 000 qu'il y a d'ici chez mon oncle, mais j'ai voulu venir. Où est John? Je veux le voir. Ne lui avais-je pas prédit qu'il serait un jour le maître du domaine de Lincolnshire? Voyons, ne le lui avais-je pas prédit? Il vous aurait fallu voir la figure de Martin Mostyn. Il a une bonne place au ministère de la guerre et il fait le dandy. Quand je lui ai annoncé cette nouvelle, elle est aussi longue que mon bras. Mais il faut que je voie John, ce cher vieil ami, il me tarde de le féliciter. » Mary avait joint les mains et sa respiration était haletante. La rougeur avait disparu. Elle était extraordinairement pâle. Mais Edward Arundel ne s'en aperçut pas. Les jeunes gentlemen de 24 ans ne se préoccupent guère des changements d'expression qui surviennent dans la physionomie des jeunes filles de 13 ans. « Oh, est-ce vous, monsieur Arundel, est-ce bien vous ?» Elle parla à voix basse et ne retint que difficilement les larmes qui lui vinrent aux yeux. Elle s'était figurée si souvent le jeune homme au milieu de toutes sortes de dangers, la famine, la maladie, la mort même, que c'était presque au-dessus de ses forces de ne pas pleurer en le revoyant heureux, gai, cordial, beau et brave comme elle l'avait vu, il y avait 4 ans et demi dans le logement du second de Oakley Street. Mais elle domina son émotion aussi bravement que si elle eût été une femme de 20 ans. « Je suis bien heureuse de vous voir, » dit-elle avec calme, « et papa va être bien content lui aussi. Maintenant que nous sommes riches, il ne nous manquait que de vous avoir avec nous. Nous avons parlé de vous si souvent et je... Nous avons été si chagrins parfois en songeant que... Que je pouvais être tué, n'est-ce pas? Oui, ou blessé grièvement. Les batailles dans l'Inde ont été terribles, à ce que je crois. » M. Arundel sourit du ton sérieux de Mary. « Oh, ce n'a pas été précisément un jeu d'enfant, » dit-il en écartant les boucles de ses cheveux bruns et frisant son épaisse moustache. Edward était un homme maintenant et un fort bel homme. Il y avait en lui quelque chose de ce type connu de nos jours sous le nom de fashionable, mais il était brave et chevaleresque aussi, et il parlait avec facilité. Les gens qui accusent les Afghans d'avoir des cœurs de poulet se trompent légèrement, reprit-il. Les Indiens savent se battre, Miss Mary, et comme des diables encore, mais nous pouvons les rosser. Il s'approcha de la cheminée où brûlait un bon feu et sécha ses vêtements. Mary le suivit des yeux en se demandant s'il y avait un autre soldat comme lui dans toute l'armée de Sa Majesté et s'il tarderait beaucoup à être nommé général en chef de l'armée de l'Inde. « Alors, vous n'avez pas été blessé du tout, monsieur Arundel ?» dit-elle après une pause. « Oh si, j'ai été blessé. J'ai reçu une balle dans l'épaule et je suis venu en congé de convalescence. » Cette fois, il vit l'expression de la figure de la jeune fille et il interpréta son regard alarmé. « Mais je ne suis pas malade, Miss Marchmont, » dit-il en riant. « Nos soldats sont très heureux de recevoir une blessure qui les renvoie chez eux en congé. Mon régiment ne tardera pas à rentrer en Angleterre. J'ai un congé d'un an, et il est plus que probable qu'à l'expiration de ce délai, nous repartirons, parce que la paix n'est pas facile à maintenir là-bas. Et vous y retournerez ?» Edward Arundel sourit de son air de tristesse. « Sans doute, Miss Mary. » Il me faut gagner mes épaulettes de capitaine. Je ne suis encore que lieutenant. Ce ne sera donc un répit d'un an, se dit Mary. Il retournera dans l'Inde pour y souffrir, y être blessé, y mourir peut-être. Mais pendant ce congé, ne pourra-t-il se faire que mon père le décide à rester à Marchmont Towers? C'était pour elle un si grand bonheur de le revoir, de se dire qu'il était sain et sauf, qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle vit les choses du bon côté. Elle courut au cabinet de John Marchmont pour lui annoncer l'arrivée de ce visiteur inattendu. Mais elle pleura sur l'épaule de son père avant de pouvoir lui dire quelle était la personne dont la présence lui faisait tant de plaisir. Elle avait eu peu d'amis dans son existence solitaire, et Edward Arundel était la seule image chevaleresque qu'elle eût connue en dehors de ses livres. John Marchmont fut presque aussi content que sa fille de voir l'homme qu'il avait traité en ami pendant sa pauvreté. Jamais accueil ne fut plus cordial que celui que reçut Edward Arundel à Marchmont Towers. « Vous resterez avec nous, n'est-ce pas, mon cher Arundel ?» dit John. « Vous resterez pour l'ouverture de la chasse en septembre. Vous savez que vous m'avez promis de faire de Marchmont Towers votre maison de chasse. Nous construirons ensemble le jeu de pommes. La place ne manque pas dans le grand quadrangle, et j'ai là-haut, au-dessus de nous, une salle de billard. Quoi qu'à vrai dire, je craigne que tout n'y soit en désordre. » Mais ce sera bien vite arrangé, n'est-ce pas, Polly ? Oui, oui, papa, et à mes frais, si vous voulez. » Mary Marchmont offrait ses petites économies en toute franchise. Il lui était quelquefois difficile de se rappeler que son père était réellement riche et n'avait nullement besoin de son argent à elle. N'était-ce pas avec son argent de poche qu'elle lui avait procuré jadis maintes babioles dont il se serait passé sans cela ? « Vous avez donc reçu ma lettre, » dit John. la lettre par laquelle je vous annonçais que Marchmont Towers était à vous ? Oui, cher ami. Cette lettre se trouvait dans un paquet que mon agent m'apporta une demi-heure avant mon départ de Calcutta. Que Dieu vous bénisse, mon vieux maître. J'étais bien heureux d'apprendre cette nouvelle. Je suis en Angleterre depuis 15 jours seulement. Je me suis rendu tout droit de Southampton à Dangerfield pour y voir mon père et ma mère. J'ai passé 10 jours, et puis je me suis sauvé à leur grand regret. J'arrivais hier à Swampington, chez mon oncle Hubert, où j'ai couché. J'ai présenté mes respects à ma cousine Olivia qui est... Bon, je vous l'ai déjà dit. Et je suis accouru ici ce matin en dépit des habitants de la cure. Vous voyez donc, John, que j'ai mécontenté tout le monde à cause de vous et de Miss Mary. À propos, si vous saviez quelle belle poupée je vous ai apportée. Une poupée. La pâle figure de Mary devint toute rouge. La croyait-il donc aussi enfant, ce soldat ? La croyait-il une niaise enfant sans autre idée que celle d'une poupée ? Elle qui aurait voulu aller dans l'Inde et braver tous les dangers de cet affreux pays pour le soigner et le consoler, comme les nobles sœurs de charité dans un certain roman qu'elle avait lu. Edward Arundel vit cette rougeur qui animait sa physionomie. « Je vous demande pardon, Miss Marchmont, » dit-il, « ce n'était qu'une plaisanterie. Vous êtes maintenant une jeune lady, presque complètement formée. Jouez-vous aux échecs ?»« Non, Monsieur Arundel. Je le regrette, car je vous ai apporté toutes les pièces d'un échiquier ayant jadis appartenu à Dost Mohammed Khan. Mais je vous apprendrai le jeu, si vous voulez. »« Oh, volontiers, Monsieur Arundel, cela m'amusera beaucoup. » Le jeune soldat s'amusait malgré lui du sérieux de la jeune fille. Elle était à peu près du même âge que sa sœur Laetitia. Mais quelle différence entre cette dernière jeune fille, bruyante et volontaire, qui déchirait la dentelle de ses robes de mousseline, défaisait les longues boucles de ses cheveux, s'égratignait les coudes à force de tomber dans les allées de Dangerfield, et tourmentait du matin au soir la pauvre gouvernante suisse qui remplissait auprès d'elle toutes sortes de fonctions. Pas un pli n'était dérangé dans la simple robe en soie noire de Mary Marchmont, et la collerette qui entourait son cou délicat ne déviait pas d'une ligne. L'intelligence dominait en elle. La gaieté folle d'une enfant irréfléchie était remplacée chez Mary par la tendresse pour ceux qui l'entouraient et l'abnégation et le dévouement d'une femme. Edward Arundel ne comprit peut-être pas tout cela, mais il en devina une bonne partie. « C'est une charmante enfant, » se dit-il, en la voyant suspendue au bras de son père. Puis il demanda à visiter Marchmont Towers de la cave au grenier. Pour la première fois, peut-être, depuis que le jeune héritier s'était tué dans un champ, à côté du parc, les longs corridors et les chambres inoccupées entendirent de joyeux éclats de rire. Edward Arundel se montra ravi de tout. Jamais, disait-il, on n'avait vu un aussi beau palais. Vous le trouvez triste, sombre et plein de courants d'air, allons donc. Coupez quelques-uns des arbres de ce bois-là, entassez-les dans les vastes cheminées, mettez-y le feu, et Marchmont Towers ressemblera à un château de baron à l'époque de la fête de Noël. Tous les portraits poussiéreux qu'il regarda étaient des Rubens, des Velasquez, des Van Dyck, des Holbein ou des Lely. Regardez cette bordure en fourrure à la robe de velours noir de cette vieille femme, John. Examinez le coloris des mains. Et dites-moi si un autre que Pierre-Paul Rubens a pu peindre cette toile. Voyez-vous cette jeune fille au devant de corsage satin bleu et aux cheveux bouclés ? C'est une de vos aïeules, Miss Mary, et elle vous ressemble. Si ce n'est pas là un tableau peint à la manière de Sir Peter Lely, je parle de sa meilleure manière, celle qu'il avait avant d'être devenu paresseux, et de s'être laissé gâter par le patronage royal. Je ne connais rien en peinture. Le jeune soldat continua sur ce ton en entraînant son hôte d'une chambre à l'autre. Tantôt il ouvrait les fenêtres pour regarder le paysage à travers la pluie. Tantôt il sondait la boiserie pour y découvrir les portes à ressorts cachés ou le plancher en chêne dans l'espoir de rencontrer une trappe. Il trouva au moins 10 endroits convenables pour le jeu de pommes et suggéra plus de réparations et de changements qu'un architecte n'aurait pu en compléter durant toute sa vie. La maison fut égayée par sa présence, comme l'est un paysage sombre par un rayon de soleil qui perce le brouillard grisâtre. Mary Marchmont n'attendit pas qu'on eût desservi dans cette soirée-là. Elle dîna avec son père et son ami dans une jolie petite chambre boisée en chêne, moitié salle à manger, moitié cabinet, qui ouvrait sur le grand salon occidental. Quelle différence entre Edward Arundel et le reste du monde, disait Miss Marchmont, comme il est gai, brillant, naturel et heureux. les familles du comté réunies en masse sont moins gaies que ce jeune soldat à lui tout seul. » La soirée s'écoula comme dans le royaume des fées. La vie pouvait donc, après tout, ressembler parfois à la dernière scène d'une pantomime et avoir comme elle un ciel couleur de rose et une lumière dorée. L'un des domestiques de Marchmont fut le lendemain de bonne heure à Swampington et rapporta du presbytère les porte-manteaux d'Edward Arundel. Après le dîner de cette seconde journée, Mary Marchmont s'assit en face d'Edward et écouta attentivement l'explication du jeu d'échecs. « Ainsi, vous ne connaissez pas ma cousine Olivia, » dit le jeune soldat entre parenthèses. « Voilà qui est mieux. J'aurais cru qu'elle serait venue vous voir il y a longtemps. » Mary Marchmont secoua la tête. « Non, Miss Arundel ne nous a jamais fait visite. J'aurais pourtant bien voulu la voir parce qu'elle m'aurait parlé de vous. Miss Arundel est venue voir papa une fois ou deux, mais je ne l'ai jamais rencontré. Il n'est pas le ministre de notre paroisse. Marchmont Towers dépend de Camberley. » Sans doute, et Swampington est à 10 000 d'ici. Mais malgré cela, j'aurais pensé qu'Olivia vous ferait visite. Je vous mènerai vers elle dès demain, si John me croit assez bon cocher pour vous confier à moi, et vous verrez Livy. Le presbytère est un si drôle d'endroit. Peut-être M. Marchmont hésita-t-il un peu à confier sa petite fille à Edward Arundel pour faire un trajet de 10 000 sur une route pitoyable. Mais quoi qu'il en soit, le lendemain matin, deux chevaux trop gras furent attelés à une calèche vermoulue au lieu du phaéton qu'avait proposé le jeune soldat, et les rênes furent prises par un vieux cocher très sobre qui trouva fort peu agréable cette course à Swampington après la pluie de la veille. Il ne pleut pas toujours, même dans cette partie du Lincolnshire. La matinée de juillet fut très belle et très agréable. Les roses sauvages et le chèvrefeuille dans les haies sur la route embaumaient l'air de leurs parfums, et les blés jaunis se balançaient au souffle de la brise. Mary déclara à son compagnon que la fumée de cigare ne l'incommodait pas, et M. Arundel profita de la permission. Il s'allongea sur les bons coussins de la calèche en tournant le dos aux chevaux, fuma son cigare et causa gaiement avec Miss Marchmont qui était assise en face de lui. Ce fut une heureuse promenade, et Mary Marchmont se souviendra à tout jamais de ce petit voyage dans une voiture jusqu'à travers les régions du pays des fées. En approchant de Swampington, les haies et les blés disparurent derrière eux. La ville est encore au-dessous du niveau de la campagne environnante, quoique cette campagne soit tout en plaine. Une petite rivière coule au pied d'un mur en ruine qui faisait autrefois partie des fortifications de la ville. Des bateaux noirs sont à l'ancre en cet endroit, et un pont en pierre avec un guichet aux deux bouts surplombe la rivière. La voiture de M. Marchmont traversa ce pont tremblant, et pénétra par une arche basse, noire, massive et sombre, dans une rue étroite, dont les maisons solides et bien bâties avaient un extérieur pareil à celui de l'arche, mais laissaient deviner qu'elles étaient occupées par d'honnêtes gens. Je crois que l'herbe croissait et croît encore dans cette rue aussi bien que dans toutes les autres de Swampington, y compris le marché. Elles sont à peu près toutes dans le même style, ces rues, toutes resserrées, mal pavées, obscures, et elles s'enchevêtrent si bien que le malheureux étranger ne sait plus s'y retrouver en voyant qu'elles se ressemblent toutes. Il y a deux belles églises qui remontent toutes deux à une date très ancienne dans l'histoire de la conquête normande. L'une se dresse dans un coin sur le derrière d'une rue, et les maisons bâties tout autour d'elle la masquent complètement. L'autre est située un peu en dehors de la ville au milieu d'une vaste étendue de terrain marécageux et fait face à la mer qui gronde à 1 000 de Swampington. Ce n'est réellement pas l'eau qui manque dans ce bourg du Lincolnshire. La rivière serpente tout le long des faubourgs. À chaque angle se rencontrent des criques et des anses inattendues. Des mares profondes surgissent de tous côtés et à l'horizon se dessine la ligne grise de la mer. Mais peut-être, la laideur incontestable de la ville est-elle rachetée en quelque sorte par le romanesque et le mystérieux qui s'y rattachent. Ce n'est pas un endroit ordinaire et par conséquent il est intéressant. La grande église normande isolée, les pierres tumulaires éparpillées dans l'enceinte du mur du cimetière recouvert de mousse, offre un coup d'œil qui ne s'efface pas facilement de l'esprit de ceux qui l'ont contemplé, quoiqu'il ne soit pas joli. Le presbytère est tout près du cimetière et une petite porte à guichet donne accès du jardin de M. Arundel dans un étroit sentier qui conduit à travers une petite pelouse négligée jusqu'à la porte basse de la sacristie. Le presbytère lui-même est un bâtiment long et irrégulier, auquel chaque recteur a successivement ajouté la chambre, la cheminée, le porche, la fenêtre en saillie qu'il a jugé nécessaire à son bien-être. En face de la maison, il y a un tout petit jardin, mais sur le derrière, on aperçoit une pelouse, un bosquet et quelques grands arbres. « La maison n'est pas très jolie, n'est-ce pas, Miss Marchmont ?» dit Edward, en aidant sa compagne à descendre de voiture. « Oh non, elle n'est pas jolie, » répondit Mary. « Mais je ne crois pas qu'il y ait rien de beau dans le Lincolnshire. « Oh, voilà la mer !» s'écria-t-elle, en voyant tout à coup par-delà les marais la ligne grise à l'horizon. « Je voudrais bien que la mer fût aussi rapprochée de Marchmont Towers. » La jeune fille ressentait une espèce de passion romanesque pour l'immense nappe d'eau de l'océan. C'était une région inconnue qui s'étendait au loin et qui devenait merveilleusement belle à cause de son mystère solennel. Toutes les histoires de corsaires qu'elle avait lues s'étaient déroulées sur l'abîme insondable. La voile blanche dans le lointain était celle de Conrad, peut-être, et il revenait au plus vite retrouver Médora morte dans sa tour solitaire, en serrant contre son cœur ses fleurs fanées. Ce bâtiment à coque noire qui se voyait là-bas était la barque de quelques terribles pirates à la recherche d'une proie. C'était sans doute quelque bateau à charbon qui se dirigeait vers Londres avec son noir chargement. Les nymphes et les lurleys, les sirènes et les tritons, folâtrant sans cesse au milieu des eaux, étaient plus ou moins inséparables dans la pensée de Miss Marchmont de la longue ligne grise qu'elle regardait avec envie. « Je vous conduirai quelques matins au bord de la mer, Polly, » dit Arundel. Il commençait à l'appeler Polly de temps en temps en causant familièrement avec elle. « Nous passerons tout un jour sur le sable. Je fumerai des cigares pendant que vous ramasserez des coquillages et des herbes marines. » Miss Marchmont joignit les mains en signe de satisfaction muette. Sa figure s'illuminait à la pensée du bonheur, comme il était bon pour elle, ce vaillant soldat, qu'il serait évidemment commandant-chef de l'armée de l'Inde dans un an ou deux. Edward Arundel guida sa compagne à travers la porte en fer du jardin du presbytère et la porte vitrée ouvrant sur le vestibule. De ce simple vestibule, meublé seulement de deux chaises, d'un baromètre et d'un porte-parapluie, ils entrèrent sans se faire annoncer dans une chambre basse à l'antique, moitié cabinet, moitié salon, où une jeune fille était assise à une table à écrire. Elle se leva lorsqu'Edward ouvrit la porte et vint en devant de lui. « Enfin, » dit-elle, « je croyais que vos riches amis vous accapareraient pour toujours. » Elle s'arrêta en voyant Mary. « Voici Miss Marchmont, Olivia, » dit Edward. « Elle est la fille unique de mon vieil ami. Aimez-la, je vous en prie. C'est une bonne petite fille et je sais qu'elle ne demande pas mieux que de vous aimer. » Mary fixa ses deux grands yeux bruns sur la figure de la jeune personne, puis les abaissa aussitôt comme si elle eût été effrayée de ce qu'elle y avait vu. Qu'avait-elle vu? Qu'y avait-il dans la belle figure d'Olivia Arundel pour que ceux qui la regardaient fussent si souvent désappointés, éprouvassent un sentiment de répulsion? Chacune des lignes de ses traits parfaitement modelés était belle à voir, mais l'ensemble n'était pas beau. Peut-être cette physionomie ressemblait-elle un peu trop à un masque en marbre, exquisément moulé, mais manquant de variété dans l'expression. Sa bouche était rigide, ses yeux gris sombres étaient froids. Ses épais bandeaux d'une chevelure d'un noir de corbeau étaient ramenés en arrière et découvraient un front carré qui était plutôt celui d'un homme intelligent et résolu que celui d'une femme. Oui, ce qui manquait à la figure d'Olivia Arundel, c'était l'expression féminine. L'intelligence, la résolution, le courage sont des dons précieux, mais ce n'est pas là ce que nous aimons à voir sur une physionomie de femme. Si Miss Arundel eût été reine, elle aurait noblement porté son diadème, elle serait peut-être devenue une très grande reine, mais la malheureuse créature qui fait appel à sa commisération eut perdu son temps. Le pauvre condamné qui n'aurait plus espéré qu'en elle pour sa grâce eût été bien près de la mort. Peut-être Mary Marchmont eut-elle une intuition vague de tout cela. En tout cas, l'enthousiasme avec lequel elle contemplait Edward Arundel fut aussitôt refroidi par l'air glacé de cette figure calme et pâle. Miss Arundel adressa quelques bonnes paroles à Mary, mais elle lui parla comme quelqu'un qui s'adresse à une enfant de 6 ans, et cette dernière, qui était habituée à être traitée comme une femme, fut blessée par ses manières. « Quelle différence entre elle et Edward ?» se dit Miss Marchmont. « Je n'aimerai jamais cette femme comme je l'aime, lui. » C'est donc là la chétive enfant qui héritera de Marchmont Towers, pensa Miss Arundel. Et c'est à cause de ses amis fortunés qu'Edward habite loin de nous. Les lignes rigides de sa bouche devinrent plus rigides encore, et l'expression froide de son regard augmenta de froideur pendant qu'Olivia réfléchissait de la sorte. Ce fut ainsi que se rencontrèrent ces deux femmes, dont l'une était encore une enfant, et l'autre dans tout l'éclat de sa première jeunesse, ces deux femmes qui étaient prédestinées à se haïr, à se torturer mutuellement dans les jours à venir. Ce fut ainsi qu'elles se jugèrent réciproquement, en éprouvant chacune au fond du cœur une crainte sans fondement, une aversion indéfinie. 6 semaines s'écoulèrent et Edward tint la promesse qu'il avait faite de venir chasser les perdrix dans les réserves de Marchmont. Le bois derrière la maison et les chaumes des fermes foisonnaient de gibier. Le jeune soldat s'en donna à cœur joie dans cette première semaine de septembre et revint chaque soir avec sa gibecière pleine raconter gaiement ses prouesses à Mary et à son père. Le jeune homme était maintenant familier avec tous les coins et recoins de Marchmont Towers et les maçons étaient déjà à l'œuvre pour la construction du jeu de pommes que John avait promis à son ami. La place choisie en dernier lieu se trouvait dans un coin de la façade orientale et avait vue sur le bois. Mais comme Edward déclara que c'était le seul endroit qui réunit toutes les conditions voulues, John ne voulut pas contrarier le choix de son ancien élève. Les maçons avaient aussi autre chose à faire, car M. Arundel s'était pris d'une belle passion pour un chalet en ruine sur le bord de la rivière, et ce chalet devait être rebâti, restauré et transformé en un pavillon délicieux composé d'un rez-de-chaussée et de 2 chambres où Mary et son père viendraient s'abriter contre la chaleur pendant que M. Arundel ferait manœuvrer les barques amarrées au bord de l'eau. Vous voyez que le jeune homme s'installait comme chez lui à Marchmont Towers et n'en faisait qu'à sa tête. Mais comme il avait amené la vie et la lumière dans la vieille maison du Lincolnshire, personne n'avait l'envie de trouver à redire à toutes les libertés qu'il prenait et chacun songeait avec tristesse à l'époque de son départ, qui devait avoir lieu quelques jours avant Noël. Il avait promis de retourner pour la fête à Dangerfield et d'y rester jusqu'à l'expiration de son congé.